Advenant qu'un individu ne vive que de sentiments, combien longtemps, en nombre d'années, le corps physique peut-il exister? Le corps physique cellulaire existe depuis un peu plus de 350 millions d'années. Nous sommes la continuité cellulaire de nos parents, qui était la continuité cellulaire de leurs parents, ce qui fait que quelque part, il y a des cellules qui ne sont jamais mortes. À 75 ans, un homme peut donner naissance avec une femme, évidemment, à un enfant qui aura une peau de bébé, même si la sienne est toute fripée, même si son foie est magané, même si le bonhomme est vieux. Le bébé qui va naître, même si la femme est là 60 ans, comme ça s'est déjà vu, c'est rare parce que c'est rare, mais c'est tout. Mais le bébé qui vient au monde n'a pas déjà 25 ans au niveau cellulaire. Il est flambant neuf. Et le bonhomme, lui, il avait des cellules qu'il a données. Ils se sont mélangées avec les cellules de la mère. Ça crée un enfant. C'est la même cellule qui provient des deux adultes qui continuent. C'est rien d'autre, un enfant. Et celui-là, à un moment donné, va aussi donner des cellules à une autre mère et ça va créer encore un bébé, mais c'est les cellules des arrière-grands-parents. C'est la même chose. On ne bâtit pas de la vie à un moment donné. On transmet. Alors, si le spermatozoïde est capable d'être en parfaite santé, quel que soit l'âge du reste du corps, si l'ovule est relativement en santé, quel que soit le reste du corps, l'enfant créé va être une multiplication de ces deux cellules-là. Et un jour, cette multiplication cellulaire va donner naissance à un enfant qui sera simplement une transmission cellulaire. C'est des cellules qui partent d'un corps, qui s'en vont créer un autre corps. Alors, après plusieurs millions d'années, nous sommes là. Coucou! Alors, combien d'années ça peut vivre un corps physique s'il n'est pas dramatiquement malmené par de l'émotion? Ben, ça dépend, évidemment, si c'est comment traverser les rues, hein? Mais ça peut vivre longtemps. Pourquoi l'homme a-t-il des émotions si cela lui fait tant de tort au point de vue cosmique? Pour un paquet de raisons. Premièrement, l'émotion, c'est créé par l'ego. L'ego habite l'âme. L'âme est un virus qui s'est emparé du corps physique de l'homme il y a de cela quelques milliards d'années. À peu près un peu plus que 4 milliards d'années. La Terre était encore un peu nébuleuse, c'était gazeux un peu, c'est nébuleux, comme cela est encore un peu dans la conscience chez certains. C'est ça être traditionnaliste. Et l'ego, l'âme, animait le corps physique temporairement pour permettre au corps physique de vivre de l'expérience. Vivant de l'expérience, il acquiert de la mémoire. La mémoire est la nourriture de l'ego. L'ego nourrit le monde de la mort, mais ça, on va passer un peu sur ce genre de choses-là pour l'instant. Et sachons uniquement que chaque fois que notre âme sécrète hormonalement, elle agresse le corps physique. Agressant le corps physique, à la longue, finit par ne plus réagir aux agressions hormonales, donc il se renforcit. De génération en génération, l'expérience réincarnationnelle donne des égos de plus en plus puissants. De plus en plus puissants, il sécrète de plus en plus puissamment dans le corps physique. Mais le corps physique est de plus en plus solide, ce qui, à travers les millions d'années d'évolution, a donné un corps physique tellement solide que maintenant, il peut commencer à recevoir de l'intelligence sans être détruit. Ça servait à ça, la sécrétion. Alors, il y a l'évolution sécrétative, hormonale de l'animal humain, initiation lunaire, qui fait que le corps cellularise l'expérience et lentement mute. Et lorsqu'on devient conscient, lorsqu'on devient sentimentique, on continue la cellularisation, la mutation, mais par l'énergie plutôt que par le système hormonal. C'est mieux. Ça servait à ça. Ça sert encore à ça dans la majorité des cas. Disons, dans 99% des êtres humains. Lors d'un accident, c'est le corps physique qui en survit. Lors d'une émotion, est-ce l'ego qui en survit? C'est plein ça. Comment imaginer vivre sans émotion? La vie serait monotone. Mais non, voilà, l'imagine, là. Comment imaginer? On n'imagine pas comment ça va être quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est bien compliqué d'imaginer. Comment imaginer vivre sans émotion? La vie serait-elle monotone, sans vie? La vie sans vie. Non. Essayez d'imaginer comment c'est quand on va au ciel, à la droite du Père, jouer de l'art. Imaginez-vous quand on ne sait pas jouer. Pour ceux qui sont avec le synthétiseur. Imaginez quelque chose que vous n'avez jamais vu. Imaginez l'intérieur d'une soucoupe volante. Imaginez ça. Ça va ressembler à votre œil du cosmos, ça va ressembler à un avion en réaction, ça va ressembler à votre ordinateur, ça va ressembler à quelque chose que vous connaissez. Ou bien il y aura des fleurs, mais vous connaissez ça. Quelle couleur? Êtes-vous capable d'imaginer une couleur que vous n'avez jamais vue? Non. Comment imaginer vivre sans émotion? On n'imagine pas vivre sans émotion. L'imagination est un vomissement astral, c'est de l'émotion. J'essaie de sortir un contexte de vie où je vais être capable de nourrir mon ego quand même. Le sentiment interdit ça. Parce que l'être humain va vivre totalement du sentiment, il sera présent. Il sera. Il ne dira pas « je pense, donc je suis ». Il ne dira pas « je suis, ici et maintenant ». Il ne dira pas « je suis ». Il n'aura pas besoin de ces conneries-là. Il va être. Il n'aura pas besoin de le prétendre. Alors, il n'y aura pas besoin non plus d'émotion. La vie est monotone, sans vie. Voyons donc. C'est quoi une vie monotone? C'est quand on a de l'émotion mal nourrie. Là, c'est monotone. On veut exprimer l'émotion, puis on n'a foutrement rien pour l'exprimer, alors on s'ennuie. Monotone, de pouvoir jouir, goûter chaque morceau de votre vie sans rancune, sans jugement positif ou négatif, pour, sans s'en rappeler, accepter le prochain morceau neuf aussi beau, avec autant de rayonnement, de jouissance, de vibration, monotone. Non. Moi, j'ai déjà expliqué que partout où j'allais, quelle que soit la chose que je faisais, voulez-vous, on va s'asseoir un soir et on va poser des vis ensemble. Et le lendemain matin, moi, écrire un livre là-dessus. J'ai travaillé avec plusieurs personnes. Des maudites jobs plates. Ben, en tout cas, les entendre parler, là, c'était con, c'était plate, c'était... Quel que soit le travail. Alors que moi, j'en avais été à compter, assez que les gars pensaient toujours que c'était rien que sur moi que tout arrivait. Non. C'est pas sur moi que tout arrive, c'est que moi, je vis ce qui arrive. Eux autres, ils s'ennuient ce qui arrive. C'est pas pareil. C'est loin d'être monotone, le fait de vivre. C'est comme de dire, quand vous mangez une pomme, imaginez-vous que c'est un gâteau qui goûte le gâteau. Moi, quand je mange une pomme, ça goûte la pomme. C'est vraiment pas monotone. Souvent, il m'arrive de m'observer lorsque je sécrète. Mais pourtant, cela n'arrête pas la sécrétion. Je suis conscient que c'est stupide et du gaspillage d'énergie. Que faut-il faire pour stopper la sécrétion? Est-ce biologique ou est-ce de la peur incontrôlable? Premièrement, lorsqu'il s'observe, ça bloque sans doute la sécrétion. La personne devrait s'acheter un tout petit livre de médecine, de biologie, comme on retrouve à l'élémentaire, pas l'élémentaire, mais au secondaire, disons. Quand même, poussons pas. À l'époque, on apprenait ça en sixième année, mais aujourd'hui, ils apprennent ça en secondaire 7, 4 ou 5. Bon. Alors, et puis, on va se rendre compte que, comme j'ai expliqué souvent, vous vous promenez quelque part, et puis moi, j'arrive dans votre dos, je crie, « Beuh! » Stupidement, vous sursautez. Votre cœur n'accélère pas. Là, vous dites, « Ah, c'est toi, niaiseux! » Bon. Puis là, le cœur commence. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Alors, si on observe, on ne sécrète plus. Mais les hormones sécrétées, déjà, vont de toute façon atteindre leur objectif, leur cible, et créer la réaction. Alors, quand vous observez que ça sécrète, vous observez le résultat. Alors, ça peut bloquer la sécrétion, mais ce qui est déjà là devra être brûlé ou stocké. Alors, ça prend donc un laps de temps par la suite pour que le corps physique ait fini de réagir à ce qui a déjà été émis. Avant que les hormones soient déclenchées puis lues par l'ego, l'ego avait lu déjà les événements. Exemple, pour déclencher les hormones et donc l'ego... Non. Oui et non. Oui et non. Interpréterait d'abord, induit la sécrétion qui ensuite le fait de nouveau réagir. C'est que l'ego n'a pas peur. Il perçoit un événement. Percevant un événement... Quelque chose qui arrive, un chien qui arrive abruptement dans ta chambre, les crocs sortis, puis la bave qui coule à terre. Là, tu as une chance, le chien glisse dans sa bave, il tombe, ça te permet de te lever de ton lit. Le chien avance lentement sur ce coin les pattes. L'événement, c'est un nombre de formes. C'est exactement comme si c'était une lecture corporelle. C'est les yeux et les oreilles, et peut-être le nez maintenant, qui vont amener l'information. C'est la même chose qu'une expression. Ça vient, ça pénètre l'âme. Et ça crée un remous dans les mémoires volatiles, ce qui engendre une expérience intra-amique, l'émotion. Alors, immédiatement, l'ego a peur. Mais il a peur parce qu'il est tout simplement dynamisé par son corps physique. S'il est totalement aveugle, il n'entend rien, il ne voit rien, le chien ne le dérangera pas partout. Alors, il a peur, mais il ne sait pas qu'il a peur. Maintenant, pour savoir ce qu'il vit, immédiatement, il l'exprime dans le corps physique. Et c'est là que tout le système se met en marche. Et maintenant, l'ego voit confirmer sa peur. Confirmant sa peur, oh, dans des mécaniques intéressantes, c'est évident que du point de vue réflexe, c'est intéressant que s'il fait noir, que tu sécrètes certaines hormones qui, par la peur qui vont faire que ton œil va se dilater pour mieux voir, que tu vas t'être énergisé pour pouvoir plus vite courir ou te battre avec le chien. Ça, c'est dans le but de lutter. Tu deviens un prédaté devant un chien. Mais tu vas tellement sécréter que la majorité des gens ne pourront même plus rien faire devant le chien. On fait comme un chien. Alors, l'ego, une fois qu'il s'est exprimé dans le corps physique, va se lire et là, il va créer une synergie. Il se nourrit, il se nourrit, il se nourrit. Ça, c'est une émotion qui est très proche du sentiment, à cause que c'est une réaction mécanique à un événement extérieur. Parce que l'humain, maintenant, désire vivre, désire ne pas être, se faire mordre, désire, bref, il fonctionne juste avec sa mémoire, là, il engendre la peur chez lui, une peur psychologique et non pas une peur mécanique réflexe. Dans le début, ce n'est pas une peur, c'est un sursaut, c'est une préparation à la lutte. Et par la suite, l'humain sécrète de l'émotion à travers sa peur, ce qui peut totalement le rendre inefficace dans un combat avec un chien. Un jeune enfant a-t-il des émotions ou des sentiments? Un très jeune enfant n'a que des sentiments. En passant, très intéressant, pleurer, c'est un sentiment. Broyer, c'est l'expression d'une émotion. Pleurer, les larmes coulent, puis il y a des petits gémissements, tu pleures. Broyer, c'est quand tu parles, tu cries, tu gueules, tu y vas au coton, tu pousses, tu as de la misère à respirer, là, tu sais, là, tous les voisinages chics, là, tu broyes, broyer. Il y a aussi deux formes de rire. Il y a un rire qui est un rire très énergétique et très nourrissant, qui est un sentiment. Un rire à des histoires, à des farces qu'on invente instantanément. On se promène quelque part, puis on a du plaisir. C'est très nourrissant. Et il y a un rire qui est émotif. Bien, évidemment, il y a le rire très psychologique, celui qu'on arrête avec deux, trois claques en plein visage. C'est un rire très émotif, le rire nerveux, qui est une consommation d'énergie. Et il y a aussi un rire très émotif, un rire de fuite, où l'individu est toujours en train de rendre en farce des choses. Et puis, il rit tout le temps, mais on n'arrive même plus à une carapace totale. Tu ne peux pas jamais rien lui dire ou lui montrer sans qu'il vire toujours tout en connerie. Alors, qu'un enfant, un bébé, donc, peut pleurer. C'est un sentiment. Il y a une réaction avec l'extérieur, puis ce qu'il ne peut pas supporter, il laisse aller. Mais ce n'est pas une émotion. Le bébé n'a pas d'émotion. Lentement, parce qu'il est constitué de phénomènes réincarnationnels, il va lentement créer, se bâtir un ego, et lentement, il va accumuler des mémoires expérientielles. Donc, il pourra maintenant commencer à avoir peur avant même l'événement, ce qu'il n'avait pas avant. Donc, il commence à avoir des mécanismes réflexes, style pavlovien. Alors, lentement, le bébé arrive à avoir un ego, puis il commence à vivre de l'émotion. Mais chaque chose neuve qui arrive est sentimentique chez lui. Ça ne crée pas d'émotion, le bébé n'a aucun problème avec ça. Il n'a pas peur. La première fois qu'il voit un chien, il n'a pas peur. Il se nourrit de l'onde de forme du chien. Par contre, il peut avoir une forme d'émotion intérieure qui est la sécurité, qui commence à être engendrée. Alors, il peut prétendre que le chien n'est pas dangereux. Alors que si on prend un animal sauvage ou si on prend un enfant dans certaines régions de la planète, où ils sont confinés à du danger dès leur naissance, même si les parents veillent autour d'eux, ils seront déjà plus difficiles à tuer qu'un enfant qui naît en pleine ville dans un confort et qui est extrêmement douillet. Les enfants qui tombent en bas des hamacs dans la jungle où j'ai été, je n'en ai pas vu souvent. Mais ici, il faut leur mettre des barreaux de même, pas qu'ils tombent en bas. Bon. Les enfants qui se font ramasser par des insectes, des scorpions ou des bébites, ils n'ont pas tellement. Les parents veillent un peu, mais déjà l'enfant, sentimentiquement, réagit et n'est pas sûr. C'est pas une émotion. Il n'a pas peur. Il ne va pas. Alors qu'ici, ou bien non, il va y aller carrément dans les bois de Jack, n'importe quoi. Ou sur le chien, ou sur le mononcle. Et puis, lentement, il y a qu'à de l'expérience qui va engendrer de l'émotion, puis l'émotion va lui nuire. Parce que si le premier contact qu'il a avec les animaux, c'est un contact négatif, toute sa vie, il va avoir peur des animaux. C'est son émotion. Très intéressant. Mais la génétique joue un rôle là-dedans aussi? La génétique joue un rôle dans ce sens qu'elle bâtit un corps physique, et c'est le corps physique qui détermine ce qui se réincarne dedans. Donc, si le corps physique est hautement programmé, neuroniquement, endocrinalement, à laisser exprimer le facteur de l'âme par l'interpréteur actionnel, ce qui va se réincarner là-dedans, c'est des mémoires d'êtres humains extrêmement émotifs. Parce que le corps physique permet l'expression totale de l'émotion, ça pourra peut-être faire un artiste extrêmement sensible, toujours en train de partir, qui s'écrète au coton, ça se plisse vite un artiste. Bon, alors, le corps physique va déterminer ça. Par la suite, l'éducation. L'éducation peut corriger un corps physique qui n'est pas tout à fait convenable, mais elle peut aussi tarir totalement une génétique extrêmement intéressante. Est-ce qu'on peut tromper la lecture que fait l'ego dans le corps physique, vital? Oui. Et est-ce que l'esprit fait aussi une lecture en nous? L'esprit ne fait pas de lecture au niveau du corps physique, il n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il sait instantanément, et c'est instantanément ce qui se passe. Tromper la lecture, c'est ce qu'on fait. Vous êtes nerveux, alors on va vous donner du Valium, on va vous donner un antipsychotique, et là, l'âme n'arrivera plus à lire convenablement ce qui est exprimé dans le corps. Alors finalement, ne pouvant plus lire le stress, ben, il est plus stressé. N'étant plus stressé, ben, il stresse plus le corps, fait que le Valium déstresse. Toute forme de médicaments donne cela au niveau de la lecture. Les médicaments sont extrêmement perturbateurs, puis l'ego se fait leurrer immédiatement. C'est pourquoi tu peux aussi écouter une musique, une musique subliminale, qui pour te détendre ou pour te stresser. Et cette musique, que tu l'écoutes, et puis lentement, l'ego lit plus par l'oreille que par le corps. Alors, nécessairement, lisant ce qu'il y a dans la musique, il finit par penser qu'il y a ça, puis c'est ce qu'il va exprimer au niveau du corps aussi. Est-ce que l'hormone aussi peut être affinée, transmutée? Oui, l'hormone, oui, mais ce qui est surtout transformé, c'est la qualité de réaction des récepteurs spécifiques. Alors, ce sera un peu long à expliquer du point de vue médical, mais premièrement, le décodage neuronique pour engendrer la sécrétion, l'acte réflexe, va lentement être tari, c'est-à-dire que de plus en plus, l'ego a de la difficulté à s'exprimer, donc l'individu devient de plus en plus anémotif, donc de plus en plus sans émotion. Même s'il a des sentiments, il est capable d'apprécier, mais il ne souffre plus de son appréciation. Et lentement, le système hormonal va se raffiner du point de vue des récepteurs spécifiques. On aura des hormones qui seront adrénergiques, qui seront, disons, similaires à l'adrénaline, qui réagiront seulement, ou qui feront réagir seulement à des récepteurs spécifiques localisés dans certaines régions du corps physique. Et lentement, à travers la mutation, ces choses-là se changent. Une des mécaniques réflexes pour empêcher la sécrétion endocrinienne ou l'expression astrale, c'est lorsqu'on retient sa respiration avec son système musculaire, par exemple. Ça bloque totalement l'expression astralo-endocrinienne. Une fois que c'est exprimé, c'est évident que les hormones vont faire leur effet, ça c'est évident. Il y a différentes façons de bloquer le QI, il y a la rétention volontaire des muscles respiratoires, il y a des mécanismes comme ça, mais à la longue, vous ne voulez pas, le corps physique finit par s'adapter. Se conscientisant, on frustre un peu l'ego à court terme. Beaucoup l'ego à l'immédiat terme. Et on le gratifie beaucoup à long terme. Non, on y donne des carottes. Parce que l'ego, il veut être beau, il veut être fin, il veut être gentil, il veut être comme tout le monde. C'est la mode d'évoluer, il veut évoluer. Fait qu'on lui donne des carottes à long terme, et plus ça va avancer, plus notre mental devient puissant, plus l'ego va se découvrir. Crème, je me suis fait avoir. À un moment donné, je me suis fait avoir. Et le mental étant de plus en plus puissant, qu'à un moment donné, l'ego ne peut plus se révolter, puis c'est vrai que c'est fait avoir de A à Z. Je vais le finir. La conscientisation n'est donc qu'une réaction de survie de l'ego conscient. Qui lie sa perte dans la gratification à court terme? La conscientisation n'est pas une réaction de survie parce que l'ego ne veut absolument pas se conscientiser. Ce que l'ego veut faire, c'est de copier toute la mécanique de l'intelligence. L'ego, c'est de la mémoire. Tout ce que ça peut faire, c'est apprendre. Ça ne peut pas comprendre. Mais quand on apprend énormément, on a suffisamment de données pour donner l'illusion qu'on comprend. Mais si on amène du neuf, on est encore une fois fait. Alors l'ego, lui, sa conscientisation, c'est une évolution spirituelle. Ça, c'est la survie de l'ego. L'illusion qui comprend alors qu'il ne fait qu'apprendre. La compréhension provient d'intelligence. L'intelligence vient démolir l'ego. Et si l'ego arrive à copier d'une façon presque parfaite l'intelligence, le peu de conscience qu'habite l'homme ne saura jamais si c'est l'ego qui nous fait faire une chose ou si c'est l'intelligence qui nous la fait faire. Et c'est pourquoi l'humain, lorsqu'il se conscientise, doit développer le discernement entre l'astral et le plan supramental, entre l'intelligence et la copie de l'intelligence, et le discernement se développe à la longue, par essai et erreur. Mais pour ça, il faut être suffisamment vivant puis risquer son coup. En amour psychologique, les dons juifs s'alimentent de l'amour. Est-ce un sentiment, vu que leur amour ne dure qu'une fois en général? Elle dure une fois en général, mais du moment qu'infini, ils rêvent au reste des amours. Ils ont besoin de conquérir toutes les femmes pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont réellement supérieurs, qu'il n'y a pas une femme qui peut leur résister, qu'ils sont capables, en tout cas, etc. On passe sur les détails. Alors, c'est extrêmement animal, hormonal et émotif. Une femme va lui dire non une fois, c'est assez pour qu'il la tue. Quand on parle d'un don juif qu'il n'a réellement besoin, c'est dangereux. Ça va violer aussi à un moment donné. Ça doit gagner. Alors, c'est... C'est émotif. Ben, c'est supra-émotif, c'est très animal. Finalement, c'est humain. Pourquoi y a-t-il au Québec que deux individus supramentalisés, bien qu'il y ait d'autres gens dont la génétique est potentiellement prête à recevoir le contact? Parce que les autres sont chanceux ou paresseux et attendent que plus que le terrain soit un peu mieux préparé pour pouvoir éclater à la surface. Moi, je n'ai pas été assez intelligent pour attendre. T'es pressé. Je suis fait. Et maintenant, je comprends les choses, mais j'ai l'engrenage. Comment peut-on avoir des futurs possibles différents si on a un destin tracé d'avance? Merci. La conscience peut jouer avec le libre-arbitre. À un moment donné, on va revenir sur ce mot qu'a dit libre-arbitre. La conscience, elle est libre. C'est la conscience qui, en préscience, en ligne des futurs possibles, des chemins que la conscience pourra traverser. Le corps physique va rester dans la même lignée. Mais à un moment donné, on pourra revenir là-dessus. Il y aura un peu de ce genre de choses qui va être abordé la semaine prochaine. Je crois que c'est quand les extraterrestres vont intervenir. Oui. Où il y aura effectivement des corps physiques qui ne seront plus habités par la conscience qui les habitait, qui resteront ici en leur. Alors que la conscience ira se rematérialiser ailleurs dans un autre corps physique. Donc, les personnes dans l'entourage planétaire d'un individu vont dire, « Crime, ce gars-là, il est disparu. Il n'est pas disparu, il est là. Mais il a changé un maudit. » Oui, il a changé. Ce qu'on a placé dedans, c'est une conscience bidon, alors que la conscience a pris un futur possible qui l'intéressait pour rejoindre son corps génétiquement réincarné ou transmis d'enfant à enfant à travers une lignée de temps, et elle le rejoint là. Tout le reste va se faire par une espèce de golem, une espèce de corps physique habité par une conscience bidon de Gola, qui va traverser tout le phénomène du temps sans être ni évolutif ni involutif en étant exclusivement stagnant. Alors que toi, ta conscience aura traversé, donc courbé l'espace-temps, pour venir rejoindre ton corps physique à un certain moment donné, où ton gars-là sera libéré de ta présence, tu réintégreras ton corps physique pour continuer. Sauf que dans une mécanicité d'intervention extraterrestre ou de conscience, ça va se faire, toi, dans l'instantanéité, ou dans un phénomène, disons, en temps solaire standard en quelques secondes, et tu seras dans un monde absolument génial qui sera carrément ton avenir que tu auras prévu en futur possible, alors que ton corps physique pourra rester ici. Alors, il y a plusieurs mécaniques comme ça sur lesquelles on pourra revenir à un moment donné, mais il y a une liberté dans la conscience, même s'il n'y en a pas dans le corps physique. Si on ne peut pas faire en sorte que le corps physique vive mieux, on peut par contre faire en sorte de ne plus l'habiter le temps qu'il faut. Mais ce n'est pas en se suicidant. Là, on gagne le monde de la mort, on est royalement fait. Enfin, royalement, c'est un terme assez... Bon, on est plutôt même paysamment fait. Alors, on va revenir un peu sur ces phénomènes-là lors de la conférence la semaine prochaine, mais disons que c'est un peu long à expliquer. Quelles sont les causes de l'arthrite et quel est le remède? J'ai 40 ans et je suis obligé de prendre la cortisone. C'est très souffrant et j'aimerais voir d'un autre point de vue. Bon, ben l'arthrite, ça dépend évidemment encore de la forme d'arthrite qu'on a. Ça dépend de la localisation, ce qu'on a. Il faut savoir si c'est un arthrite qui se promène, parce qu'il y en a qui ont une arthrite sur un genou. Deux jours après, l'arthrite est rendue sur l'autre genou. Un mois après, elle est rendue dans l'épaule. Ça se promène. Il y a une expression astrale énormément là-dedans. L'arthrite, comme la majorité des maladies, c'est une succion d'énergie vitale dans une région très localisée du corps physique. Alors, ça peut engendrer des ulcères d'estomac si l'ego puise trop au niveau de l'estomac. Finalement, l'estomac oublie sa forme, sa mémoire, donc finalement, il se digère lui-même. Ça peut être au niveau pulmonaire, engendrant des maladies pulmonaires. Ça peut être au niveau nerveux, engendrant des dégénérescences nerveuses. Et au niveau des articulations, énormément. L'articulation est l'endroit où peut bloquer de l'énergie vitale. Donc, évidemment, il y a des mécaniques qui lui permettent de faire circuler l'énergie vitale dans une articulation. Normalement, il y aura une tendance yinique dans une articulation. On sentira normalement du froid dans le début, ce qui est déjà problématique parce qu'on peut... Astralement, on est têté en énergie yang, et lentement, ça pourrait engendrer une dégénérescence de l'articulation qui va faire en sorte qu'à un moment donné, au niveau de l'articulation elle-même, il y aura facilement accès à des maladies, soit à des virus, soit à une usure au niveau par manque de synovie, soit à l'inflammation. Il y a un paquet de phénomènes qui peuvent apparaître. Dans l'arthrite, normalement, il y a un têtage localisé de l'ego. Et c'est assez complexe à expliquer. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué à un moment donné qu'on peut faire de la chirurgie égoïque pour aller couper les parties de l'ego qui engendrent des problématiques majeures. Dernièrement, j'ai donné un séminaire à des personnes, ceux qui ont fait le premier séminaire, sur la possibilité d'arriver à dessiner totalement la constitution de son âme, non pas de comment on l'exprime, mais de qu'est-ce qui est réincarné chez nous. Et de cette façon-là, l'individu qui a de l'arthrite pourrait possiblement se rendre compte qu'elle a énormément de mémoire de personnes très âgées. Et ces mémoires-là s'expriment par le corps physique, totalement inconsciemment, en allant chercher l'âge et en vieillissant le corps. Il y a donc différents phénomènes. À un moment donné, possiblement que d'ici quelques années, je pourrais voir à tourner un peu vers l'étude ou l'enseignement médical. Mais présentement, disons que je préfère rester au niveau de la conscience d'évolution. C'est des mécanismes extrêmement grandes et il faudrait former des médecins pour qu'ils puissent travailler sur un patient ou bien il faudrait initier un patient à travers quelques mois ou quelques années pour qu'il puisse arriver à se prendre en main pour éliminer ce phénomène arthritique. Alors, c'est une cause, c'est évident que c'est intéressant de répondre comme ça, mais il n'y a pas de réponse simple, c'est assez complexe. Le mot « vie » est contenu dans « vieillesse ». La vieillesse n'est-elle pas inhérente à la vie de par le code génétique et non de par l'émotion? Le code génétique fait qu'on sécrète de l'émotion. Il y a du vieillissement inutile et inutilisable. Il y a le mot « vie » contenu dans le mot « vieillesse », mais on va vous dire franchement, le mot « cul » est contenu dans « culpabilité » ou dans « culte hein? ». Bon, alors, on ne peut pas faire... s'amuser, tu sais. Le plaisir est souvent attaché à une émotion. Comment faire taire ce plaisir, surtout lorsqu'il nous empêche de dormir? Dans le sentiment, y a-t-il autre chose analogue au plaisir? Dans le sentiment, c'est possible qu'on ait un sentiment vibratoire tellement puissant qu'on ne puisse pas dormir. Sauf que ça ne nous fatiguera pas. Dans l'émotion, on va se gruger. Et le plaisir est émotif. La jouissance est sentimentique. Le plaisir est émotif. Évidemment, une personne peut prendre le mot plaisir et l'adapter à un phénomène sentimentique, mais normalement, un plaisir est émotif. Il est relié à de l'émotion. C'est l'ego qui trippe. Tandis que la jouissance, c'est le corps physique et le corps vital, possiblement le corps astral. Avec, c'est pas grave, qui le vibre ou voyage, trippe. Mais on peut-tu voir la différence? On peut-tu le sentir? Hein? Voir, non, mais effectivement, on peut le sentir. On apprend à discerner, mais pour ça, il faut arriver à connaître son corps vital. Ça se fait lentement à travers la vie. C'est évident que plus on va observer ce qui se passe chez soi, qu'on ait suivi des cours ou pas de cours, si on observe, on va finir par réinventer les cours qu'on n'a pas suivis. Bon, en les suivant, ça peut aller plus vite. Mais en le faisant, on comprend, ça, c'est sûr. Ça prend le temps que ça prend. L'individu a rien qu'à s'observer. Il n'y a pas besoin d'être psychologue, d'être etc. Vous êtes un humain. Vous êtes le mieux placé pour connaître l'humain. Maintenant, observez-le. Simple, observez-vous. Pourquoi Bandad ne s'est jamais remise de la visite de Schindlingham? Bon. Pourquoi Bagdad ne s'est jamais remise de la visite de Genghis Khan? Tu veux la reposer? Alors, je vous la garde ici, c'est intéressant. Ça, Bagdad, ça, c'est plaisant. On pose quelques-unes, là, mais... Okay. Est-ce que l'énergie hominale dans l'homme peut aussi être nourrie par la parole d'un conférencier? Absolument, ça qui émet de l'énergie supplémentaire? Absolument. C'est l'une des façons d'aller chercher de l'énergie hominale. Ça se capte surtout par la partie médiale du nez lorsqu'on a un contrôle total sur sa respiration intercostale. Bon. Mais de toute façon, quand il y en a en masse, on le capte quand même. Qu'on le veuille ou non, l'ego, seul l'ego a un but. L'esprit n'aime pas, n'a pas besoin et est donc condamné à l'inertie par l'absence de motivation d'agir. Quand t'as tout, là, t'es condamné à l'inertie par l'absence de motivation. Quand t'as rien, t'es motivé en maudit. Mais t'es motivé pour aller chercher le tout. Finalement, se faire voir comme il faut. L'esprit, l'intelligence n'est pas condamnée. Elle n'en a pas besoin. Il y a une nuance. C'est l'ego qui dit condamné. Celui qui a besoin de quête va dire que celui qui n'en a pas est condamné. Celui qui est dans ses pantoufles qui est heureux, il va dire celui qui manque à chaleur, il est condamné à faire sa quête. Non, du point de vue de l'ego, l'esprit est condamné, mais du point de vue de l'intelligence, c'est l'ego qui est condamné, oui. Bagdad, hein, c'est intéressant, ça me tente d'entendre. Ah, possiblement que ça se fusionnait à d'autres centres de conscience pour y intégrer un corps physique par la suite, mais ça n'a aucune importance. L'union fait la force. Bon, là, on se réunit. On sent plus fort astralement. Et puis, on plante tout le monde. Pour épaissir mon enveloppe, dois-je me retirer dans la solitude? De temps en temps, oui, sauf que l'individu qui se retire dans la solitude peut fuir la taverne. C'est-à-dire qu'il fuit le problème pour se retirer. Si on sent de temps en temps l'attrait de la solitude, on doit exiger de pouvoir y aller. Alors, si on a une famille ou des amis qui sont extrêmement vampires et qui vous traitent de casseux de party ou de n'importe quoi ou qui veulent absolument savoir pourquoi ou si ou ça, vous leur fermez la porte au nez. Dites-leur que vous avez attrapé le sida. L'amour psychologique, c'est la vitamine du virus. Le virus, c'est ce qui permet à l'homme de rester sur Terre. Pour transiter... Par transiter, si tu enlèves la vitamine, tu affaiblis le virus et l'homme ne peut plus survivre. Comment se fait-il que l'homme soit piégé par les deux côtés? Ou il tue par amour ou il meurt s'il n'a pas de psychologie. Exemple, tous les psychos. C'est totalement vrai. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est faux. À l'instant où l'individu est capable de devenir sentimentique et de brimer le phénomène, la vitamine de l'ego, il meurt. Parce que maintenant, il est énergisé par autre chose, par le plan supramental. S'il n'est pas suffisamment énergisé, de toute façon, il va rester émotif. Alors, un individu émotif qui n'a pas de conscience d'évolution, de conscience supramentale suffisamment évoluée, donc gros comme un petit grain de blé, s'il n'a pas cela, et si on lui permettrait de vivre du sentiment, L'ego disparaîtrait. Si le corps physique n'est pas suffisamment solide, le corps physique serait totalement désagrégé par l'intelligence supramentale. Alors l'individu deviendrait fou, il deviendrait totalement débile, ça ne pourrait plus fonctionner. Devenant fou, nécessairement, il se terrestrifie. L'émotion recommence, donc ça fonctionne. Sauf que la conférence ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas à l'écouter. Quel est le rôle du monde de Shambhala vis-à-vis notre évolution? À rien. Vis-à-vis de notre évolution, ça, on peut en parler, par exemple. Comment pourrait-on aller chercher tout de suite la mémoire du futur et ainsi résorber la création d'ici un an? On ne peut pas, pour la simple raison qu'il y a un peu plus de 5 milliards d'humains qui sont plantés dans le passé. Par contre, on va voir un peu la semaine prochaine de quelle façon un humain peut parvenir à contourner certaines mécanicités. Et... aller un peu plus loin. La majorité des êtres humains qui, d'ici quelques années, vont devoir changer de dimension, vont se ramasser dans les ans 3500 en montant. On va leur sauter un petit mot pour manquer un film ou deux. Est-ce que différentes émotions peuvent stimuler les mêmes hormones? Si oui, comment savons-nous quelles émotions nous éprouvons, sinon par déduction? Ce n'est pas une déduction, c'est que le corps physique ne réagit pas de la même façon aux expressions hormonales. Alors, j'ai déjà expliqué qu'il y avait aussi une expression vitale, donc l'énergie vitale qui va, elle, à la vitesse de la lumière, supplante en vitesse l'expression endocrinienne et nerveuse, et elle prépare le corps, au niveau des récepteurs spécifiques, à réagir ou à ne pas réagir aux expressions hormonales. Donc, il y a toujours, soit au niveau coronarien, au niveau gastrique, au niveau intestinal, au niveau du pancréas, au niveau de la tête, au niveau de la joue, au niveau des jambes, et au niveau de 2-3 organes, au niveau de 4-5 organes, au niveau du rythme respiratoire, du rythme cardiaque, au niveau de la tension cérébrale, de la tension dans... Il y a donc un paquet de phénomènes qui fait que là, chaque émotion est réellement bien paramétrée. Pourquoi Alexandre Lachance n'est pas mort à l'âge de 84 ans, qui est un chiffre alchimique? Sacré Alexandre. Hein? Il disait qu'il y avait 84, il y avait 81. Hein? Fait qu'on a rien qu'à compter un peu, là. C'est intéressant. De toute façon, on ne meurt pas parce que 8 et 4 font un bon chiffre. Hein? Franchement. Si les grandes lignes de notre destin sont déjà prévues, comment peut-on savoir si on est dans la bonne direction? Exemple, quand on a un choix à faire. Quand on a un choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire, premièrement. Il n'y a pas de choix. C'est tout mécanique, ça. C'est pas le choix, on réagit. Ce ne sont pas des choix, ce ne sont pas des actions, ce sont des réactions. La conscience est libre. La conscience peut changer. On va revenir sur la conscience, c'est vraiment pas assez clair. sur la conscience, sur les barbites de la conscience, avec l'anti, les barbites du corps physique, ainsi que de la spiritualité planétaire. Mais il n'y a pas de choix à faire, ça. Non. Vous n'avez même pas le choix de vous gratter quand ça vous pique. Hein? Non, mais si ça vous pique, vous vous grattez parce que ça pique, vous ne vous grattez pas si ça pique pas, sauf si vous êtes nerveux. Mais si vous grattez quand vous êtes nerveux, c'est que quelqu'un vous pose une question, vous vous grattez parce que vous êtes nerveux. C'est réactionnel. Vous vous dites pas, tiens, je vais me gratter comme ça. Non, jamais l'humain dit ça. L'humain observe que de ça, il pique. Il dit, ben oui, mais c'est normal que je me gratte. C'est sûr que c'est normal. C'est pas une décision. Ah oui, j'ai le choix, tu ne me grattes pas. Ouais, c'est pour réagir au fait que ce que je t'ai dit, que tu n'avais pas le choix. Donc, tu réagis encore. C'est simple. Dans le séminaire, souvent, je dis aux gens qui ne croient pas qu'ils n'ont pas de barbe, je leur dis simplement, lève-toi. Donc là, ils se lèvent. Lève-toi, je t'ai manipulé. Donc là, je dis, assis-toi. Non, je reste debout. Ça, je voulais aussi. Ben maintenant, j'ai dit, tout ce que m'a dit, tu ne sauras jamais quel bord prendre. Parce que si tu dis, non, je ne le fais pas, ben c'est pour réagir au fait que j'attends que tu le fasses, donc tu es manipulé. Si tu le fais, ben tu es manipulé encore. On n'est pas sorti de l'auberge. Il n'y a pas un humain sur la planète Terre qui a fait un choix dans sa vie. Pas un. Ils ont l'illusion de faire des choix, ça permet de supporter la vie. Et parce qu'ils veulent garder l'illusion de faire des choix, ils ont inventé la culpabilité. J'ai manqué mon coup, alors que tu n'avais pas le choix. Avoir su, ben justement, tu ne savais pas. Tu as fait en fonction de ce que tu savais. Félicitations. C'est tout. L'humain s'en va comme ça, ping, paf, paf, paf, ping, ping, ping, ping. Tu es arrivé en retard, c'est de ta faute, ben il y avait du trafic, c'est ça. Le trafic, c'est de la mécanique. Ta femme te chiole après, ben c'est à cause que tu es en retard, elle réagit au fait que tu n'es pas là. Quand tu arrives, ou ton mari te chiole après, ça, mais c'est le même phénomène. Tu rentres pressé, tu t'enfermes dans l'escalier, ben oui, c'est réactionnel à toute ta journée au complet, qui est réactionnel à ta nuit, qui est réactionnel à la journée d'avant, qui est réactionnel à. Je cherche genre des choix. Ah, mais j'avais le choix de m'en aller ou le bonheur de ne pas m'en aller. Tu ne mens pas. Il fallait premièrement que tu puisses partir, pour penser que tu peux t'en aller. Puis tu t'en vas quand? Quand on te laisse partir. Astralement. Puis tu restes sans ça tant que tu veux, tant que tu veux rester. Ceux qui arrêtent de fumer quand ça lui tente. Ils arrêtent quand ils peuvent arrêter. Il se trouve que ça le tente quand ils peuvent arrêter. Tant mieux. La majorité, ça le tente. Facile d'arrêter, c'est de pas recommencer. Mais l'humain est manipulé. C'est comique. Pas qu'il soit manipulé et qu'il s'en rende pas compte. Ça, c'est comique. Nous assistons à tes conférences parce qu'elles nous intéressent. Tes conférences sont intéressantes parce qu'elles sont vivantes. Elles sont vivantes parce qu'elles nous font passer par une gamme d'émotions, rire, étonnement, ravissement. Non, ça, c'est des cochonneries que je mets pour l'ego, là, pour qu'il revienne et qu'il reste assis. Là, mais ce qui est intéressant, c'est tout ce que l'ego ne voit pas. Ah! Or, tu nous dis que l'émotion nous détruit. Est-ce-tu donc en train de nous détruire? Ah, un instant, il y a une conclusion verte. Si ce que nous attendons nous procure des sentiments et non des émotions, pourquoi vends-tu des cassettes qui nous feront revivre ces sentiments pour les transformer en émotions? Premièrement, moi, je ne vends pas de cassettes. Tu me donnes le papier? Il est bourré de... Alors, on commence. Ce sont des conférences parce qu'elles nous intéressent, sont vivantes, donc elles nous font sécréter émotivement, etc. Vous savez que 95% de ce qui se passe chez vous est extrêmement énergétique et extrêmement sentimentique. Vous avez des émotions parce que l'ego vire et réagit à ce que je dis, à ce qui se passe. C'est juste ça. Et c'est exprimé au niveau du corps. Mais la majorité du travail, c'est pas au niveau émotif. Je peux faire du spectacle et faire rire les gens et nourrir et astralement les gens. Mais de toute façon, quand je parle, je dis des choses, l'ego vire là-dedans. L'ego refusait quelque chose, puis snack, ah ben, ça vient confirmer quelque chose que le mental avait déjà vu. C'est au niveau énergétique que ça se passe. Il y a toujours des résidus de l'ego parce que vous êtes comme ça. Pas parce que je le fais de même, sinon je ferais du spectacle. Puis je peux faire du spectacle, alors je peux m'amuser en montée de vie en faisant du spectacle. Moi, je vais me nourrir, mais je vais aussi en même temps abêtir les gens. Or, bon, les cassettes. Les cassettes, premièrement, je n'en vends pas. Hein? Vous m'avez déjà vu vendre une cassette? Absolument pas. Par contre, de centre en vin, des librairies qui en vendent, ça va de soi. Une cassette, c'est comme un livre. On peut la réécouter pour aller rechercher ce qu'on n'a pas réussi à saisir. Et on peut aussi l'écouter pour retriper. Mais ça, encore là, ça dépend de l'individu. Vous pouvez acheter un couteau pour tuer, vous tuer ou couper de la viande. Ou mettre du beurre sur une tranche de pain. C'est pas le couteau qui fait le problème, c'est celui qui s'en sert. La cassette, c'est la même chose. Moi, quand j'ai été au Pérou, j'ai acheté Tintin. Bon, Tintin et le Temple du Soleil. Parce que je voulais connaître le Pérou. Bon. Alors, c'était pas pour revivre émotivement ce que j'avais vécu quand j'étais jeune. C'était pas connaître le Pérou. Quand je vais possiblement aller dans l'Himalaya, je vais acheter Tintin au Tibet, parce que là, il va au Népal, où je veux aller, il escalade l'Himalaya, puis il se ramasse dans il rencontre un Yeti, évidemment, l'abominable femme des neiges, et puis par la suite, il s'en va dans des monastères. Alors, c'est extrêmement intéressant, mais c'est simplement pour ramasser de l'information. Quand quelqu'un réécoute une cassette, c'est évident que s'il l'écoute émotivement. Je le dis souvent que l'émotion est dangereuse. Alors, au moins, il va le savoir en écoutant les cassettes. Est-ce qu'il me serait profitable de prendre des vacances dans un lieu de repos, seul et ne prendre que des aliments vivants, boire de l'eau, des marches extérieures dans les bois? Commentez sur tout ce qui est important à savoir à ce sujet. Oui, c'est sûr que c'est utile de prendre des vacances dans un lieu de repos. C'est bien de prendre des vacances pour se reposer. Sauf que manger des aliments extrêmement vivants, etc., tout est parfait. À l'exclusive condition que l'individu ne parte pas avec un plan préétabli qu'elle devra s'astreindre à suivre. Parce que le plan, elle va le projeter en fonction de ce qu'elle est présentement. Après 2 jours de vacances, elle aura changé. Donc, possiblement que là, ça va être tenté de faire un truc, de manger une affaire moins vivante. Pour se restrifier un petit peu, parce que là, ça va un petit peu trop. Et puis là, elle va se dire, ah non, là, il faut faire de la discipline, j'ai décidé que c'est pas bon ça. Tu t'en vas toujours, amène toujours en voyage ou en vacances ou dans votre vie, amène toujours un billet pour l'imprévu. Ça, être vivant, c'est s'adapter immédiatement, bifurquer immédiatement, se laisser réagir, on est réactionnel quand même, mais immédiatement aux choses qu'on a besoin plutôt que de finalement s'orchestrer à réagir à des conneries. Alors l'individu s'en va dans son lieu de repos, elle s'évache là 2-3 jours de temps, après 2-3 jours de temps, elle a plus le goût d'être là, le goût de faire du tennis, elle a le goût de marcher, de parler avec des gens, qu'elle y aille. Le moindrement qu'elle ressent de la fatigue, qu'elle revienne à son lieu de repos, elle va équilibrer son... Elle va aller chercher effectivement ce qu'elle a besoin et non pas ce qu'elle pensait avoir besoin. Alors, n'importe quelle vacance doit toujours être libre. Va-t'en sans prévoir. Tu amènes des petites affaires, mais enligne pas toute ta vacance parce que c'est très problématique. On part 2 semaines ensemble, on va faire 1 semaine de repos, toi puis moi, puis après ça, on va aller visiter les îles de Glen en Floride. Après 1 semaine, moi, j'en ai encore marre. Je suis bien venu marcher. L'autre, elle vient me voir. Ouais, mais t'avais dit que, tu sais, bon, c'est ça, là, tu sais, là, non. Moi, je pars tout seul, tu pars tout seul. Je vais faire les Everglades, je vais grimper d'un palmier, puis moi, je reste à la plage. Puis son char. Quand on vit, c'est toujours comme ça. Quand on va au cinéma voir tel film, on passe devant un autre cinéma, puis on voit un autre. Tiens, on va-tu voir celui-là? Ouais, mais on a dit que. Non, restez donc libre un peu, là. Les vacances, c'est pareil. On ne prend pas de vacances, on est carrément encarcanisé dans une structure. Prendre des vacances, c'est être libre. Être libre, ça veut dire partir puis se laisser faire. C'est pas bon pour les agences de voyage, ça. Non. D'ailleurs, j'ai jamais voyagé avec une agence de voyage. OK. Tu t'organises, eux autres. Si ma mère tête mon énergie vitale, dois-je m'en éloigner ou puis-je l'aider? Oui. Éloignez-vous, vous allez l'aider. Sérieux. Vouloir la convertir, la changer, l'éduquer, la faire évoluer, la supramentaliser, la n'importe quoi. Vous allez juste brûler la sienne, elle va vous attirer encore plus. Non, éloignez-vous donc. Lentement, elle va apprendre à se sevrer. Ça va être souffrant pour elle dans le début. Elle va apprendre à se sevrer. Elle va vous haïr, elle va vous traiter d'un paquet de noms, elle va vous téléphoner. Vous faites comme je dis souvent, vous dites un, clic. C'est pas de votre faute, le bel Canada. Bon. Et puis elle va apprendre à se sevrer. La meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de tout faire pour ne pas lui nuire. Okay. Aimer, c'est avoir besoin d'autrui. Être aimé, c'est autrui qui a besoin de nous. Haïr, c'est rejeter autrui afin qu'il recommence à m'aimer pour cesser d'être rejeté. Gratifier, c'est contrôler autrui à continuer d'agir à mon goût. Aimer d'un amour maternel, c'est croire qu'autrui est une partie de moi-même. Je peux donc tout donner d'un amour maternel puisque je me donne. Oui, sauf que l'amour maternel, il y a un problème là-dedans qui est extrêmement important à saisir. C'est que l'amour maternel fait souvent des parents velcro. Bon. Alors, ce sont des parents qui sont extrêmement collants. L'enfant Teflon, ça marche bien mal là-dessus, mais le parent est velcro quand même. Alors, l'amour maternel, ça peut induire énormément de problèmes dans ce sens que je leur ai tout donné, puis là, comme remerciement, ils me sacrent là, bien, c'est ça. Donne ou donne pas, l'enfant a une conscience libre rendue adulte qui va finir par s'en aller. Oui, mais dans mon temps, dans notre temps, dans votre temps, on n'était pas assez évolué. Plus ça évolue, plus l'individu devient libre, individualiste, individuel dans sa conscience, puis ne peut pas rester attaché par le fait qu'on l'aime. Alors, moi, ma mère, elle m'adore, elle fait ce qu'elle voudra. Elle ne me dérange pas, je l'appelle une fois par année. À ma fête, parce qu'elle me donne un cadeau. Tout s'est fait si vite. Je n'ai rien compris. Mon orgueil est venu après que tu as souligné que les femmes, c'était... Il y a un mot ici, je ne comprends pas. Pour l'oser, lui... plonger. J'ai beaucoup de... Oui. J'ai beaucoup de niaiseries à expliquer ce que je ressens, une frustration. Merci, je ne me sens pas bien dans ça. Je pratique à lire ta critique. Pratique pas à lire l'autre. Bon, je n'ai pas compris. Mon orgueil est venu. Après que tu as souligné que les femmes étaient effectivement intéressantes, pour l'oser... lu, plongé. Bon, ben, c'est bien, toi, je lis aussi mal que toi. Une chose que vous devez comprendre, mesdames, mademoiselles, ça n'existe plus en français, parce que les femmes, une fois libérées, ont fait éliminer ça. Hein? Vous êtes au courant, en langue française, mademoiselle, on l'a éliminé, parce que l'homme, on ne sait jamais s'il est célibataire ou marié, c'est monsieur, puis la femme, on savait. Alors, il n'y a plus mademoiselle. Bon, mesdames. Alors, c'est maintenant accepté par la langue française. Bon, mesdames, une chose que vous devez comprendre, j'ai déjà fait une conférence où je n'ai vanté la femme que pendant une heure, seulement. Et à la période de questions, c'était « Pourquoi dites-vous que la femme est si évoluée? Pourquoi ci? Pourquoi ça? » Alors, j'ai refait une bis, une deuxième conférence sur la femme. Un peu plus compris. Alors, si je dis à l'homme que l'homme est inférieur à la femme de bien des façons. Oh, l'homme est un peu beau. Je dis à la femme... elle a un point d'inférieur à l'homme. Hé, hey, là, ça monte à la tête, ça fausse noire. Alors, de temps en temps, c'est extrêmement plaisant d'anégoïser la femme. Et quand une personne est frustrée, c'est évident qu'elle a un ego qui la manipule. Elle n'a pas décidé d'être frustrée, elle est manipulée. On ne décide de rien de toute façon. Qui est son maître? Qui détermine son état psychologique? Qui détermine si elle sera joyeuse, malheureuse? Des paroles lancées comme ça à quelqu'un d'autre qui sont copiées par son ego, puis maintenant, elle est faite. Quand je dis que l'homme doit devenir son seul maître, c'est que tout l'extérieur ne doit plus jamais décider ce qui se passe à l'intérieur. Il pleut, il neige, tu t'habilles en conséquence, tu chioles, pas. La femme est inférieure à l'homme. La preuve, elle ne peut pas pisser debout. Puis, la femme qui est frustrée là-dedans, ben, elle est tellement manipulée. L'homme est inférieur à la femme, la preuve, il ne peut pas donner la vie. Puis ça, l'homme qui est frustré là-dedans, ben, il est frustré là-dedans. Mais ces mots-là changent quoi, cosmiquement? Ça change quoi, l'être humain? Manipulé, ça, il l'est. Puis là, l'émotion va commencer à embarquer pour mettre le corps mal à l'aise, ce qui met l'ego mal à l'aise. Mais moi, on me dira ce qu'on voudra. Un jour, quelqu'un a dit, crime, tu perds tes cheveux. Je dis, oui, j'en sais hâte d'être chauve. Les gens vont cesser de m'affaler avec ça. Il y a un de mes amis à qui j'ai voyagé dans les pays qui était avec un haïtien. Il y a quelqu'un qui a dit, maudit haïtien. Il a répondu, non, j'étais un maudit haïssable. Ça a fermé le caca, là. Il n'est pas atteignable, pas parce qu'on se fait une carapace. C'est parce que ce que vous lancez passe carrément à travers. On est plus subtil. Quand on dit des choses, la femme, est-ce que c'est inférieur ou supérieur à l'homme? C'est pas supérieur à l'homme. Inférieur à l'homme non plus. Socialement, la majorité des femmes sont inférieures à l'homme. Visitez les pays, vous allez voir. Mais est-ce que cosmiquement, être inférieur ou supérieur? Ça ne foutrement rien à voir. L'intelligence descend à travers celui qui peut la recevoir. Le corps physique de la femme est un corps qui égoïse et qui astralise beaucoup plus le corps de l'homme. Elle est donc beaucoup plus émotive, ce qui est un problème. Elle n'est pas inférieure à sa conscience pour autant, mais elle a un problème. Par contre, l'homme est toujours bandé sur la femme. Ça, c'est son problème à lui, ça. Ah, ça le nuit en maudit. La femme, elle se maquille, elle perd bien du temps. Bonhomme, lui, il faut qu'il se contrôle, qu'il prenne des douches de foie, ou bien non, qu'il court après les filles. Au niveau de l'évolution, les deux sont barrés de la même façon, des façons différentes. Alors, supérieur puis inférieur, torieux. Quand j'aurai un problème puis qu'un être humain se présentera pour le régler, quel que soit son sexe ou son âge, mais donné. Féminin, 8 ans, je m'en fous. Masculin, 75 ans, ne dérange pas. Alors, il faudra à un moment donné qu'on commence par se voir dans le miroir comme étant un corps physique pouvant supporter d'intelligence. Pas comme étant un mâle ou une femelle. C'est animal. Et stupide. Quand je regarde des yeux, c'est ce qu'il y a de bord que je veux voir. Pas ce qu'il y a en dessous. Ça veut rien, vraiment rien dire. Dans l'éducation, si on tape sa femme, elle va être médiocre. Comme si on tape sur le mâle, il va être médiocre. C'est question d'éducation. Ben, observez-vous dans le miroir de temps en temps, puis essayez de trouver l'intelligence qu'il y a chez vous. Vous allez voir pas mal de médiocrisme, d'égo, d'orgueil, de ci, puis de ça. Et à un moment donné, vous allez trouver de l'intelligence. C'est ça que moi, je regarde quand je regarde un individu. Puis de temps en temps, bien, pour son égo, autant que je m'attraque l'homme, de temps en temps, je m'attraque la femme. Mais il faudra finir par plus être altérable, émotivement ou psychologiquement, par le fait de dire que les barbus, c'est des gens qui cachent de quoi? Torieux! La barbe, ça pousse naturellement. C'est bien plus celui qui se rase qui fait qu'il joue à l'ombre de forme. Puis s'il cache, qui cache? On le sait tout. Puis s'il cache pas, bien qui cache pas? Puis si on pense qu'il cache, que ça peut y foutre. Ça nous occupe. Puis lui, il peut continuer à faire sa vie libre. La femme, c'est pareil. Regardez les maudits problèmes qu'on a. La femme peut avoir le cancer du sein, de temps en temps, doit lui ôter un sein. Stress total, c'est plus une femme. Ah, vous avez une belle opinion de vous autres. Vous êtes aussi cochon que l'homme. La femme, c'est ses seins. On doit changer ça. Vous perdez un sein, deux seins, vous perdez vos testicules, votre pénis, un doigt, une main, un œil. Est-ce que vous, à l'intérieur, réellement, ça change quelque chose? Non. Vous avez un bouton de trop, un bouton de moins. Franchement, à un moment donné, il faut évoluer autrement qu'en se regardant le visage dans un miroir. Alors, quand on dit des choses sur la femme, ou on dit des choses sur l'homme, ou on dit des choses sur l'enfant, ça attaque l'ego, parce qu'il y a raison. L'ego est problématique. Mais dans la conscience évolutive, on doit s'en foutre de ça. Ça ne change rien. Cosmiquement, c'est autre chose, l'homme. C'est pas juste un corps de chair. Il y en a besoin. L'intelligence, c'est rien sans le corps. Donc, sans l'homme, sans la femme, évidemment, sans l'enfant. Mais à un moment donné, il faudra que dans l'évolution, quand vous rencontrez un mâle qui réellement semble péjorativiser les femmes, oubliez-le, digérez-le. Tout. Puis quand vous rencontrez un homme qui communique d'intelligence à intelligence avec la femme, c'est de l'intelligence. Profitez-en. Oubliez-le. On doit cesser d'être au niveau des sexes, tort, puis nous, l'évolution ne s'arrête pas au niveau des seins ou du pénis, ou des... Hein? À un moment donné, la femme, c'est ci, c'est ça, puis bon... Bon, continuons. Si E égale MX accélération de C2 et non E égale MC2, l'équation de ton édition est donc inexacte. Si est inexact. Bon. Celle-là, je vais la laisser à ta discrétion. Ah ben, c'est intéressant. Non, ben, évidemment, ça c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Là, tout le monde va penser qu'on s'en souvient des questions. Ils veulent tous le savoir. Oh ben, c'est ça, c'est brillant, ça. C'est simplement parce qu'il y a une connerie planétaire qui existe encore ici. Il y a des humains qui restent extrêmement, excusez-moi ceux qui m'ont écrit le papier, là, mais qui restent extrêmement attachés à des stupidités. Savez-vous que quand un enfant, ça fait un an qu'on l'a mis au monde, on fête sa fête, hein? Bon. À un moment donné, on est rendu plus âgé. On s'en va vers le vieillissement, puis on fête encore. Imaginez-vous. Bon, ben c'est ça, ici, là, ils me disent bonne fête. Bon. OK, c'est fini les questions. Il nous reste celle-ci sur la table. Bagdad, hein? C'est intéressant, ça, Bagdad. Tu n'as pas les questions? Non, c'est pas mal tout bien répondu. Pourquoi Bagdad ne s'est jamais remise de la visite de Gengis Khan? Un Khan, c'est un guerrier. Un guerrier extrêmement intelligent, extrêmement puissant, même s'il est mongol. Il est mongol parce qu'il reste en Mongolie. La Mongolie, c'est pas le nom de, c'est pas le nom d'un hôpital. Bon, je te laisse savoir. C'est en Chine du Nord. Gengis, le fils, le petit-fils de Kubilai. Ça n'a rien à voir avec les questions, enfin, bon. Bagdad. Bagdad, c'est une ville, peut-être hôpital, finalement, en Irak. C'est une ville très intéressante pour la simple raison que dans les... Ouais, c'est très intéressant. Tu aurais des questions pour aller très loin. Bagdad, c'est un territoire, un lieu interdit de l'Antiquité, du passé, qui a été une espèce de condensateur, donc de récupérateur d'énergie, d'un paquet d'immenses descentes ou contacts entre des forces extraterrestres, des forces intraterrestres et des forces belzébutiennes associées aux forces humaines. Bon, ça paraît un peu compliqué, mais c'est parce que j'apprends en même temps que je vous le dis, alors en même temps, j'essaie de voir pour que ça m'intéresse. Et à travers ce lieu, Bagdad, il y a eu la création, un peu comme la pyramide de Khéops, il y a eu la création de différents temples, d'une ville totale, d'un temple majeur, Bagdad. Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas, on ne peut pas le traduire en anglais pour essayer de comprendre sa signification. Et à travers cela, il y a eu l'explosion massive de mythologies absolument géniales qui ont compté des luttes et des guerres qui se sont surtout passées à travers l'involution humaine, à travers la tentative de sortie des forces infernales, donc du centre de la Terre, de certaines mécanicités de conscience pour atteindre des mécanicités astrales extérieures au contexte planétaire, donc dans le monde de la mort. Et cela a engendré des liaisons, un peu comme Homer en avait compté, mais d'une façon différente. La coloration astralitique du monde Bagdad est extrêmement intéressante pour la simple raison que c'est un lieu, un monde, qui a servi dans le passé à relier l'humain à ce qu'il pouvait vivre dans un autre contexte évolutif ou involutif. L'évolution a toujours été évolutive, c'est une phase de pourriture pour permettre l'éclosion de la vie par la suite. Et lorsque, j'explique un peu le phénomène Bagdad, lorsque Bagdad a été totalement énergisé par la relation astrale entre les contextes, les mondes parallèles qui avaient vu la préparation de l'astralisation de notre monde, lorsque Bagdad a été totalement énergisé, donc astralisé, il y a eu la naissance d'énormes mythologies, la naissance de plusieurs phénomènes qui ont été vécus par le règne humain exclusivement à Bagdad, en l'occurrence le tapis volant, en l'occurrence un paquet de magiciens d'un nom avec un nom très particulier, les fakirs surtout. Il y a eu les califes, évidemment, qui ont régi cette région-là. Il y a eu une espèce de transposition des mondes parallèles au monde planétaire dans une localité extrêmement réduite de Bagdad. Il y a toujours eu, évidemment, un peu pleurage vers l'extérieur, donc une coloration de l'extérieur. Il y a eu des guerres par la suite entre la Mongolie, entre différents pays. D'ailleurs, l'Irak, à l'époque, évidemment, portait un autre nom. Elle a toujours été insultée, c'était facilement insultable. C'était des sultans, d'ailleurs, qu'il y avait là, et qui régissaient le territoire. Et il y a eu descente, non pas seulement de la Mongolie, mais il y a eu invasion de différentes ethnies, de différents pays. Gengis Khan ne s'est pas rendu très, très loin dans sa conquête. Il a été mis en déroute à un moment donné. La coloration chinoise, mongole, s'est étendue quand même à travers une grande partie du sud-est, du sud-ouest à partir de la Mongolie, des territoires qui ont déjà ou qui étaient attirés par la chrétienté, soit en préscience, soit en post-science. Et lorsque la Mongolie, lorsque la Chine pénètre des territoires, elle absorbe et elle dissout totalement ce qui est différent. Le Québécois, c'est la même chose. Tous les pays qui ont conquis la Mongolie ou la Chine n'ont jamais incrusté la Chine ou la Mongolie de leurs idéologies ou de leur religion, mais eux ont été conquis par la Chine.